troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée au corps à l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe dont nous sommes partenaires et qui se tiennent dès demain à l'Institut du monde arabe à Paris et dont le thème est justement le corps. Lundi, l'historienne Sylvie Chaperon nous a expliqué l'importance de la parution il y a 70 ans du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Hier, nous avons exploré les questions qui tiennent au corps du roi et des nobles sous l'Ancien Régime. Demain, le documentaire de Judith Chétrit et de Anne Fleury portera sur la méthode d'avortement Karman, qui a précédé tout juste la loi Veil en 1975. Vendredi, à l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe, justement, nous traiterons avec nos partenaires du magazine L'Histoire de la question du corps au premier temps de l'islam. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous allons nous interroger sur le corps en Grèce antique à l'occasion de la parution d'un dictionnaire du corps dans l'Antiquité, ainsi qu'un autre ouvrage collectif paru aux presses universitaires de Rennes, Corps et voix dans les danses du théâtre antique, et nous le ferons en compagnie de Marie-Hélène de Lavaux-Roux, elle est maître de conférence à l'Université de Bretagne occidentale à Brest, de Véronique Mel, maîtresse de conférence à l'Université Bretagne Sud à Lorient, et de Lydie Baudiou, maître de conférence à l'Université de Poitiers. Achilleus Olomenen Emuria Caiois Algeteci Pollas Diptimus Tsukas Aidi Proiapse Ero On autos De Heloria Teuce Cunesi Oion nois ite pas idios de telei et obule. Exondet a protam dias te tenerisante. Atreires te oanax andron caedi Achilleus. Bonjour Véronique Mel. Bonjour Emmanuel Laurentin. Bonjour Lydie Baudiou. Bonjour. Merci d'être avec nous et bonjour à vous Marie-Hélène de Lavaux-Roux. Bonjour. Quelle est cette voix et de qui s'agit-il? Alors c'est la voix de Philippe Brunet. Philippe Brunet, donc, qui était très connu des hellénistes comme vous trois, des spécialistes du monde antique, pour son groupe qui s'appelle Démodocos et qui désormais est connu de la France entière après ce qui s'est passé à la Sorbonne l'autre jour, donc une représentation des suppliantes d'Eschyle qui a été interrompue et qui n'a pas pu se tenir, donc en raison d'un sujet qui va nous intéresser dans cette émission consacrée au corps antique et en particulier vous-même, vous avez travaillé avec Philippe Brunet pour un livre collectif qui s'intitule « Corps et voix dans les danses du théâtre antique » qui vient tout juste de sortir aux presses universitaires de Rennes. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les racines de la querelle qui a conduit donc à l'interruption de la représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne par Philippe Brunet et par son groupe ? Oui, ce que je peux dire... c'est que il y a eu des précédentes représentations où les acteurs portaient un maquillage. Ouais. Mais un maquillage qui était cuivré et qui, semble-t-il, est mal ressorti sur scène. Et parce que il faut expliquer que ces suppliantes d'Eschyle mettent en scène les Danaïdes et que ces Danaïdes, dans le texte d'Eschyle, sont donc, alors je ne sais si on peut dire elles ont le teint noir parce que ça a un autre sens dans le monde antique et dans le théâtre antique, mais en tout cas elles ont un teint cuivré d'une certaine façon. Et là, en l'occurrence, la représentation de Philippe Brunet, qui est un helléniste, qui est un spécialiste justement de la poésie et du chant dans la Grèce antique, qui nous lisait un extrait. On a entendu Achilleos de l'Iliade à l'instant même dans cet extrait pour lequel il s'accompagne d'une lyre qui est de facture éthiopienne mais dont il dit qu'elles sont très proches des lyres antiques en l'occurrence. Donc à tenter une reconstitution de ces suppliantes d'Eschyle, mais une reconstitution qui n'a pas plu au public de la Sorbonne, et en particulier aux étudiants, qui ont considéré qu'il y avait ce qu'on appelle un blackface, c'est-à-dire une représentation qui se moquait de la couleur de la peau des Noirs africains, en particulier Marie-Hélène de Lavauroux. Oui, mais depuis, donc, Philippe Brunet, cette année, a proposé de jouer avec des masques qui devaient remplacer ce maquillage. Des masques, d'abord, qui ont été de couleur sombre, justement, afin de symboliser cette différence de couleur de peau. Ouais, telle qu'elle était voulue par Eschyle, en l'occurrence. Telle qu'elle était voulue par Eschyle. Mais après, la querelle ayant donc débuté sur les réseaux sociaux, il a proposé de jouer avec des masques dorés. Et ces masques dorés, qui étaient pour Philippe Brunet un désir d'apaiser cette querelle, n'ont pas été acceptés non plus. Donc je crois qu'il y a vraiment incompréhension mutuelle. Et c'est vraiment très dommageable. Oui, et d'autant que dans le livre qu'il a écrit en partie avec vous, puisque c'est un article qui s'intitule donc sur les interactions voix mouvement instrument dans la poésie et le théâtre grec, donc il dit nul ne détient la vérité en matière de reconstitution, dit Philippe Brunet soi-même, et d'une certaine façon c'est quelque chose qui nous intéresse parce que ça nous dit quelque chose, Lydie Baudiou, de l'immense étrangeté, comme pouvait le dire Vernon ou Vidal-Naquet ou d'autres spécialistes de la Grèce antique dans les années 70, 80 ou 90, l'immense étrangeté qu'est ce monde grec tel qu'on croit le connaître d'une certaine façon, et en particulier pour toutes ces questions autour du corps, Lydie Baudiou et Véronique Mel. Oui, c'est justement la question qui est celle de l'étrangeté et l'étonnante hérédité. Et c'est la dichotomie des deux qui fait que cette impression d'une proximité évidente, d'un héritage... Puisqu'on l'a construit, cette proximité voilà, évidente. Voilà, c'est ça, d'une reconnaissance, voire même d'une identification ou d'une glorification d'ailleurs, parfois. Et le fait qu'on est dans un contexte, on est dans une période particulière. Et là, on est dans cette polémique, justement, au cœur du malentendu, qui est celle de la contextualisation. Oui, Véronique Mel. Oui, particulièrement avec la question de la couleur. Les Grecs, pour parler d'eux, mais on pourrait dire la même chose pour les Romains, les Grecs ne se pensent pas comme des Blancs. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre des Blancs et des Noirs. Le cuivré, c'est pas le Noir, l'hôte, l'étranger, l'Africain, c'est celui qui est dehors, celui qui est en errance, c'est les suppliantes qui errent à la recherche d'un accueil. Oui, il y a d'ailleurs dans votre dictionnaire du corps dans l'Antiquité un article de Jérôme Vilgot sur le Noir, justement, qui s'intitule « Noir ». Où il explique que la qualification des couleurs ne peut se réduire à l'opposition du noir et du blanc, et qu'on doit tenir compte des couples d'antonymes tels qu'ils sont présents dans la langue grecque, le sombre et le lumineux, le terne et l'éclatant, le foncé et le clair, le coloré et le livide, et que par exemple l'homme naturellement doit avoir la peau tannée, puisque c'est un homme qui est à l'extérieur, soit parce qu'il fait la guerre, soit parce qu'il est dans les champs, et la femme, elle, a plutôt la peau pâle, et il évoque justement la tragédie d'Eschyle dans son article noir dans le dictionnaire du corps dans l'Antiquité, qui paraîtra début mai, en disant « Les suppliantes, rien n'empêchait les femmes à la peau noire, les Danaïdes, de faire reconnaître leur origine et leur identité grecque, dit-il. Il n'y a pas de taxinomie ni de stigmatisation des populations humaines en fonction de la seule couleur de peau. » Et c'est bien là où il y a un malentendu dans cette représentation des suppliantes d'Eschyle à la Sorbonne qui a été interrompue l'autre jour. C'est justement que cette question du racisme, de la couleur de la peau, qui s'est peu à peu instituée dans les sociétés occidentales, en particulier au 18e et au 19e siècle et ainsi qu'au 20e, est venue faire écran ou disons se catapulter sur une représentation qui se voulait la plus juste possible, c'est cela, en l'occurrence, Marie-Hélène de Lavauroux, une sorte de reconstitution la plus proche possible de ce que pouvait être une représentation des suppliantes d'Eschyle au 5e siècle. Oui, et je crois qu'il faudrait rappeler le mythe, puisque les Danaïdes, donc, comme vous l'avez dit, ont du sang argien, elles ont pour père Bélos, Leur grand-père, c'est Poséidon. Leur grand-mère, c'est Libye. Et elles descendent d'Épaphos et de Io. Donc, quand elles arrivent sur la terre des Argiens pour demander asile, c'est Danaïde. En fait, elles le demandent parce qu'elles sont du même sang que les Argiens. Donc, quelle que soit la couleur de peau, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être du même sang et on est frères au-delà de la couleur de peau. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant, c'est dans cette confrontation entre deux visions de cette, ce type de représentation, c'est qu'effectivement, on doit bien se rendre compte que lorsqu'on fait des reconstitutions de musique antique ou de théâtre antique, eh bien, on se confronte à une société qui n'est absolument pas la même et qui ne recevra pas ce que vous avez dit ou ce que vous tentez de dire en faisant cette reconstitution de la même manière qu'un public d'Athènes au IVe siècle, par exemple, Marie-Hélène de Lavoureux. Bien entendu, mais il faudrait aussi rappeler que la Grèce n'a jamais eu d'elle-même une représentation blanche. Hein. Donc là, je me réfère au livre de Philippe Jocquet. Voilà, qui s'appelle le mythe de la Grèce blanche, c'est ça, et qui nous explique, en fait, au bout du compte, et c'est ça son intérêt, que nous avons construit, nous, les Européens, nous avons construit une Grèce blanche qui n'était pas du tout la Grèce du IVe siècle, par exemple. Tout à fait. Et pourquoi donc y a-t-il eu cette différence parce que simplement ces questions de blanchité ou de couleur de peau n'étaient pas une proposition qui était acceptable ou entendable par les Grecs, telle qu'elle était, elle est perçue par les siècles derniers. En l'occurrence, on ne comprenait pas cela de la même manière. Pas du tout. Et donc, Lily Baudius, ça nous dit quelque chose aussi, parce que il y avait dans cette polémique à la Sorbonne sur les suppliantes d'Eschyle, il y avait la question du masque. Et avec Véronique Mel, il y a un article qui a été écrit par Noémie Vilasec, je crois, dans votre dictionnaire, que vous avez dirigé toutes les deux, autour de cette question du masque dans la représentation. Quel est son rôle? Pourquoi est-il là? Est-il sacré? Et surtout, le masque porte le même nom en grec que le visage. Qu'est-ce que ça dit, ça, le prosopone, Véronique Mel? Alors le prosopone, c'est à la fois en effet le masque et le visage. Et au théâtre, c'est un élément essentiel qui est lié simplement au faible nombre d'acteurs aussi sur scène. Et le masque permet d'incarner des personnages particuliers. Et le masque lui-même, et c'est aussi ce qui renvoie au débat qu'il y a eu autour de la pièce, le masque lui-même est coloré. On sait très peu par l'archéologie, parce qu'il en reste très peu, mais on sait par des lexicographes tardifs que des couleurs étaient rajoutées pour identifier telle ou telle population de loin dans le théâtre, mais c'était plus finalement un signe visuel qu'une réalité d'une couleur de peau accolée à tel ou tel personnage. Et très vite, on peut glisser en effet du masque au visage, qui lui ne se voyait pas sur scène, tout simplement parce que le théâtre est grand et que on ne voit pas le visage de l'acteur. Lydie Baudieu. Oui, justement. Et le visage, c'est justement ce qui concentre l'identité. Hein, c'est changer de personnage, c'est changer d'âge, c'est changer d'identité, c'est changer de sexe. Et le visage concentre l'identité. C'est ce qu'on présente à la vue de l'autre. Voilà. Hein. Et c'est la seule chose du corps totalement accessible à l'autre. Hein. C'est-à-dire non couverte d'un voile. On peut mettre des vêtements, on peut mettre des chaussures. Alors, on peut travestir aussi le visage. Hein. On peut y mettre effectivement un masque, on peut y mettre des bijoux, on peut y mettre du maquillage. Mais ça dit le genre, ça dit l'âge, ça dit l'identité, ça dit l'ethnie. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'aime pas trop quand il est fardé, par exemple, parfois ce visage, parce que un visage fardé, ça peut être aussi le signe de la supercherie, Véronique Mel. Oui, alors c'est tout le paradoxe à chaque fois, c'est qu'il faut savoir se farder au bon moment. C'est toujours la question des Grecs, le trop ou le pas assez, trop maquillé ou pas assez maquillé, ou maquillé au mauvais endroit. Donc la femme qui se maquille trop, ou parce qu'elle est trop âgée, ou parce qu'elle est trop jeune et pas encore en âge de la séduction, il y a tromperie. Qu'est-ce qu'il y a dessous comme qu'on voudrait savoir ce qu'il y a sous le masque. Et puis ce masque, en l'occurrence, qui n'est pas le phare, en l'occurrence, mais qui est le masque de théâtre, il rend encore plus difficile l'exercice soit de la reconstitution aujourd'hui, soit de la compréhension de comment se passait une cérémonie, parce que c'était une ère sacrée de théâtre dans l'Antiquité, puisque en l'occurrence, il fallait que les acteurs puissent projeter leur voix. On sait très bien que les théâtres grecs n'étaient pas l'équivalent des théâtres à l'italienne, en l'occurrence Marie-Hélène de Lavoroux, mais néanmoins on se dit, il faut projeter sa voix, c'est complexe, il faut donc donner plus de puissance. Comment prononce-t-on le texte que l'on a à prononcer? Est-ce qu'on a le droit, est-ce que l'on peut danser en même temps que l'on parle, danser en même temps que l'on chante avec un masque sur le visage? Tout cela, ce sont des questions que vous vous posez en tant qu'historienne justement du corps et du théâtre antique, Marie-Hélène de Lavoroux. Le masque est censé avoir un porte-voix, mais a priori, ce n'est pas ce porte-voix qui peut aider l'acteur à faire porter sa voix. Le véritable porte-voix, il est au sein de nos abdominaux. Ouais. Quand nous parlons sur scène, nous sommes censés faire remonter en fait tous nos sons à travers une colonne d'air pour qu'ils puissent partir très très loin. Et donc de cette manière, même si nous ne parlons pas forcément très fort, on doit pouvoir nous entendre. Et par ailleurs, l'acoustique des théâtres est véritablement exceptionnelle, celle des théâtres grecs, bien entendu. Hein, si vous vous trouvez au centre du théâtre d'Épidaure et que vous froissez une feuille de papier, ce bruit va être entendu au dernier plus haut étage de ce théâtre. Et donc, cela signifie que lorsqu'on réfléchit, comme vous le faites avec d'autres, et donc avec Philippe Brunet et d'autres chercheurs sur ces questions-là, il faut s'imaginer quasiment une discipline du corps qui ne serait plus la nôtre. Parce que cette discipline du corps doit être repensée dans les termes justement du théâtre antique et donc pas dans les théâtres à l'italienne, pas dans des théâtres qui sont sonorisés comme aujourd'hui, mais de façon très différente, Marie-Hélène de Lavoroux. L'article de Constantinos Mélidis... Dans Corps et Voix dans les danses du théâtre antique aux presses universitaires de Rennes, que vous avez dirigé. Montre bien que les acteurs faisaient des exercices vocaux. Tout comme les orateurs. Et donc, on pourrait aussi faire le parallèle avec les études de Noémie Vilasek, celle de Maud Gleason, qui montre qu'il existait bien un rapport entre le travail qui était mené par l'acteur et le travail qui était mené par l'orateur. Alors ça, c'est assez simple. On se dit, si on est statique sur une scène, bon, il faut porter la voix, bon, on peut y arriver. Mais quand on commence à bouger et à danser, ce que vous expliquez vous-même, la gestion de l'essoufflement par l'acteur-danseur, ça devient quelque chose de très différent. Et il faut faire des parallèles, il faut réfléchir à la façon dont des cantatrices contemporaines, par exemple, peuvent à la fois chanter et danser, ou chanter d'abord, danser ensuite et reprendre le chant. Enfin, il faut imaginer effectivement que les deux exercices sont complexes et que ça se passait de la même manière au 5e ou au 4e siècle avant notre ère, Marie-Hélène de Lavoroux. Oui, sinon que les acteurs grecs n'avaient certainement pas une technique vocale aussi poussée que nos chanteurs d'opéra actuellement. Toutefois, avec de simples exercices de théâtre, on peut produire beaucoup et amplifier considérablement la voix. Alors, quand il faut danser et chanter en même temps, on est obligé d'utiliser toutes les possibilités qui sont offertes par le vers grec, c'est-à-dire déjà respirer à la fin du vers, mais aussi c'est utiliser... C'est la métrique du vers qui peut vous aider en tant qu'acteur en particulier. Tout à fait. Et il y a ça, puis il faut s'aider aussi peut-être de la musique qui accompagne, mais dont on ne sait pas si elle accompagnait la danse, quel était le type de musique qui accompagnait la danse en question. Enfin, tout cela sont quand même des grandes inconnues sur lesquelles, avec d'autres chercheurs, vous travaillez. Oui, alors en principe, la musique peut suivre la métrique du texte, mais elle ne le fait pas toujours. Denis d'Halicarnasse, au 1er siècle avant notre ère, nous dit qu'on était parfaitement libre, quand on était musicien, de respecter la métrique du texte ou d'en changer les valeurs. Hein. C'est ce qui se passe dans l'Oreste d'Euripide. Donc Denis d'Halicarnasse donne en fait cet exemple dans son ouvrage qui s'intitule « La composition stylistique ». Et il l'explique très bien. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de l'impro, d'une certaine façon, une impro musicale, une improvisation musicale qui ne suit pas la métrique du texte et qu'il faut que musiciens, danseurs, acteurs, chœurs, enfin toutes les personnes qui se trouvent sur la scène du théâtre antique puissent, entre guillemets, s'accorder avec ces données qui sont très variées et qui sont donc fluctuantes et changeantes et pas toujours les mêmes. Tout à fait, mais il est probable donc qu'il y avait aussi certainement une entente très forte entre les musiciens et les danseurs, et que les musiciens étaient vraiment à l'écoute des danseurs, et qu'ils étaient capables d'observer certainement leur jeu de scène, et de voir que s'ils poursuivaient leur gestuelle, s'ils avaient du mal à enchaîner la suite du texte, alors ils allaient peut-être jouer quelques mesures de plus, afin justement que les danseurs, acteurs puissent reprendre leur souffle. Et donc j'en profite aussi pour préciser que sur les scènes des théâtres à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et 4e siècle avant notre ère, c'était toujours des hommes qui tenaient les rôles des femmes. Donc nous avons a priori des voix masculines. Et quand on transcrit certains morceaux de musique, on va les transcrire en clé de sol octavier, ce qui veut dire qu'en fait ils vont se chanter une octave plus bas. Excepté certains morceaux qui vont poser le problème parce qu'ils se trouvent dans un registre très aigu, comme par exemple la plainte de Tecmessa dans le dithyrambe de Timothée de Milet, qui est dans un registre effectivement très aigu. Et donc là se pose le problème, est-ce qu'il s'agit bien d'un morceau du 4e siècle avant notre ère, ou est-ce qu'il s'agit au contraire d'un morceau qui aurait été écrit plus tardivement, mais à partir du morceau de musique ancien et qui aurait été chanté plus tard, à l'époque romaine, par une soprano? Mais Anibelis, à cette question, va répondre par le fait que ce morceau présente des caractéristiques vraiment originales du 4e siècle. Et donc, dans ce cas-là, il faut imaginer qu'il était chanté par un homme qui avait des possibilités dans l'aigu, des possibilités exceptionnelles. Et cela se rencontre actuellement. Par contre, pour Egert Polman, le morceau doit être chanté une octave, non pas une octave en dessous, mais était chanté par une chanteuse, mais à une époque plus tardive. Voilà, et donc on l'écoute, cette lamentation de Tecmessa chantée d'après ce document original dont vous parlez à l'instant même. Voilà donc cette lamentation de Tecmessa dans une interprétation de Petros Tabouris et de son ensemble, très brièvement, Marie-Hélène de Lavoroux. Donc, lorsque la chanteuse du groupe Kérylos d'Anibelis l'interprète, elle le chante beaucoup plus haut. Ouais. Dans un registre soprano. Et donc, on voit bien avec vous deux, donc avec vous Lydie Baudiou et avec vous Véronique Mel, que ces questions de corps sont les questions qui se posent à tout historien ou historienne du corps, c'est-à-dire comment savoir par les textes comment on marchait, comment on dansait, comment on se comportait, comment les uns se regardaient par rapport aux autres dans une société qui n'a laissé que de maigres traces de ces comportements. Et il faut donc analyser avec beaucoup de subtilité les représentations graphiques que l'on peut avoir sur les vases grecs, les textes de médecine, les textes justement liés à la question du théâtre ou d'autres textes de ce type-là pour pouvoir comprendre quelle était la place de ces corps et comment ils se mouvaient dans la société de la Grèce antique, par exemple, Véronique Mel. Oui, alors la difficulté n'est peut-être pas si grande que cela l'était il y a quelques années, mais je crois que les travaux de ces 10 dernières années ont vraiment porté au jour ce corps antique. Et le projet, en tout cas, de notre dictionnaire, c'était d'avoir des approches différentes. Parce que quand on travaille sur le corps, je crois qu'il n'y a pas une approche, mais des approches de philologues, des approches d'historiens de l'art, d'archéologues. Et les sources sont peut-être beaucoup plus importantes que... Qu'on le croit. Parce qu'on les interroge maintenant. Et quand on a commencé, on se disait, finalement, quand est-ce qu'on a commencé à travailler, on a regardé le premier colloque que l'on a publié, c'était 2006, avec déjà Marie-Hélène de Lavauroux. Et on pensait que c'était un colloque, puis qu'après, il n'y aurait plus rien à dire sur le corps antique. Et finalement, notre dictionnaire, c'est d'essayer de faire un point, de donner une idée de l'historiographie quasiment 10 ans après, comment est-ce qu'on peut saisir ce corps, puisqu'il y a si on regarde les entrées, des choses où on se dit finalement, je pense par exemple, locomotion, la marche, tout le monde marche de la même façon, on avait déjà deux pieds dans l'Antiquité, deux jambes, qu'est-ce que ça veut dire de marcher ou de mal marcher ou de boiter, ce qui nous amène vers Oedipe. Voilà, c'est des fils finalement qui se tirent plus qu'autre chose. Et il faut d'ailleurs donner, pour avoir envie de lire et de se plonger dans ce livre, certains des termes, propreté, prêtre, prêtresse, poupée, poux, riche. C'est dans l'épée. Riche, voilà, je suis dans l'épée, mais je vais passer au thé. Mais c'est la lettre la plus longue. La toge, je peux passer aussi à empereur, à échelle de perfection, par exemple, Véronique Melz, que vous avez écrit vous-même, ou encore concours de beauté, collier d'esclaves. On voit bien qu'il y a à peu près des registres de langue qui sont très différents. Il y a des noms en grec, Sophrosyné, par exemple, qui est un nom très important quand on s'intéresse à la question du corps antique, Lydie Baudiou. Tout cela, ça permet d'approcher par petites touches, pourrait-on dire, une réalité fuyante, mais que l'on essaye de reconstituer. Oui, c'est ça l'idée. D'abord, c'est l'idée d'un dictionnaire, ce qui est assez commode. C'est vrai, vous avez raison, le dictionnaire, c'est souvent comme ça. Voilà, ça fonctionne par entrée. Et puis le deuxième avantage, c'est l'ordre alphabétique. Voilà. Donc on n'a pas de grandes difficultés à la hiérarchie et à la distinction. Ouais. Alors ça peut être un souci aussi, c'est-à-dire quand vous le dites là, c'est-à-dire qu'on peut mettre sur le même plan pied ou bijoux. Ou collier d'esclaves, oui, c'est ça. Ou que citoyen, par exemple. Donc, on a considéré que c'était un avantage. Et le premier, c'est l'idée que développait Véronique à l'instant, c'est que ça fait désormais 20 ans, l'Antiquité est pas pionnière sur l'histoire du corps, mais en tout état de cause, est une des disciplines de l'histoire qui a le plus travaillé, parce que l'objet est effectivement se prête à ça. Et l'idée effectivement, c'est d'attraper par les mots, puisque c'est le propre du dictionnaire, des particularités, des façons de dire, des façons de faire, des invariants, des choses auxquelles aussi on s'attend pas. Au contraire, des choses qui sont variantes. Voilà, des originalités, des gestes ou des postures. Et donc ce champ inépuisable que vous disiez, qu'est le corps finalement, qui est à la fois de l'histoire des sensibilités, de l'histoire sociale, l'histoire des représentations. Donc on peut attraper par les mots. Alors on peut aussi considérer que ça peut devenir terriblement foisonnant et vertigineux. Mais l'idée étant effectivement, on n'a pas une prétention complète, évidemment, mais d'ouvrir par les mots et de dire ce que l'on peut chercher, trouver ou imaginer, ou de manière curieuse se dire ah, il y a des poux, il y a des parasites, puisque vous étiez dans l'épée, et ça nous va bien de voir cette antiquité aussi par ce biais-là. Et puis si on va dans Léa, on s'arrête à l'article dont on parlera demain d'une certaine façon avec le documentaire donc de Judith Chétrit et d'Anne Fleury sur l'avortement juste avant la loi Veil. Vous avez écrit, Lydie Baudiou, un article avortement où on apprend que c'est une pratique sans réprobation, dites-vous. Oui, c'est une pratique commune. Alors c'est pas les femmes qui nous le disent, puisque l'idée étant évidemment de toujours contextualiser, de toujours de revenir à la source. Pour nous, c'est important, c'est ce que disait Marie-Hélène. Si on revient à la source, la question de la contextualisation se pose pas. Et les médecins et les biologistes de l'Antiquité nous disent, dès l'époque classique, que l'avortement, il divulgue des recettes, des procédés. Hippocrate raconte qu'il a reçu une prostituée qui ne veut pas perdre son prix. Et donc, il lui donne une recette qui marche d'ailleurs, je vous la donne comme ça, qui est de sauter 7 fois les talons aux fesses. Et là, pour le coup, il y a une réussite et l'avortement est là. Donc, il n'y a pas de réprobation. Il y a même de la part du médecin, effectivement. Alors, c'est ou un encouragement au procédé ou parfois, plutôt de manière préventive, tenter de donner des recettes qui feraient le moins de mal possible à ces patientes dont il sait que de toute façon, elles vont le faire, elles l'ont fait, et parfois elles viennent le consulter quand elles sont dans des situations en grande difficulté, et il essaye de pallier à cette difficulté à laquelle il a affaire lui tous les jours. Alors donc il y a donc un article sur l'avortement que vous avez écrit, il y a des articles sur les ménades par exemple que vous écrivez vous-même, Marie-Hélène de Lavauroux, ses compagnes de Dionysos qui sont dans son cortège. Pourquoi est-ce que c'est important de réfléchir aux ménades dans un dictionnaire du corps pour l'Antiquité, parce que Dionysos a quelque chose à voir avec ça. Dionysos, je le rappellerai, fait partie des premières figures masquées, puisque on peut lui rendre un culte en habillant un poteau et en posant sur lui un masque. Et les femmes qui sont adeptes de son culte, donc qu'on appelle les Ménades, les Bacchantes, ou les Mimalones, ou les Thiades, ou les Clodones, elles peuvent avoir différents noms en fonction des régions du monde grec, mais donc les appellations les plus fréquentes, c'est Ménades et Bacchantes. Elles dansent en état de mania, en état de transe. Et ça, c'est important, justement. Ça permet justement de réfléchir à ces questions de la place des corps en transe dans une société comme la société grecque. Oui, alors je pense que pour cette société qui avait des codes très précis et qui demandait aux hommes et aux femmes de jouer des rôles sociaux très précis, la danse dionysiaque pouvait être vécue par les femmes comme une véritable expérience de libération, alors que dans les danses pour les autres dieux, on leur demande de danser avec des petits pas, de manière modeste, pour faire preuve de sophrosyné, c'est-à-dire de modération morale. Dans l'espace dionysiaque, elles ont vraiment la possibilité de se libérer. Et donc cette transe passe par toutes sortes de mouvements, mais notamment des mouvements tournants où l'on ne prenait pas de repères avec la tête. Et donc dans ce type de mouvement, évidemment, on peut arriver à entrer assez vite en transe, au moins avoir le vertige. Et les auteurs anciens nous disent bien que ces ménades dansaient jusqu'à tomber par terre. Et puis il y a justement cette sophrosyné dont il faut parler, parce que c'est une qualité, enfin c'est une façon de se comporter qui est importante et que j'ai découverte en lisant ce dictionnaire du corps dans l'Antiquité, ce contrôle du corps, cette façon de bien se comporter, cette façon de bien se positionner dans une société qui est très normée, en l'occurrence Véronique Mel. Oui, alors c'est un contrôle du corps, mais au-delà du contrôle du corps, c'est un contrôle de l'être. Dans son entier, c'est dans sa manière de parler, de se comporter, c'est un contrôle moral. C'est le juste milieu aussi, pour Aristote. C'est le juste milieu pour Aristote, et c'est vraiment une des entrées qui permet de voir que l'on est dans une société de la norme, une société du regard, de la pression. Tout à l'heure, vous parliez de discipline. On est vraiment dans une société où les corps sont disciplinés, où on est sous le contrôle de son mari, de son père, de la société en son entier, parfois de magistrats qui sont là pour contrôler tel ou tel corps, à Sparte par exemple, où des magistrats vont contrôler le poil qui dépasse, vont contrôler la longueur des moustaches, des barbes. C'est peut-être une des avancées des travaux sur le corps, c'est de montrer que cette idée de norme est extrêmement prégnante dans les cités antiques. Parce que quand on a un corps dans cette société antique et cette société grecque antique, eh bien, on l'inscrit dans une échelle. Et vous expliquez bien qu'il y a une échelle de perfection, effectivement, c'est une des entrées de ce dictionnaire, Véronique Mel, et que certains humains peuvent atteindre un niveau supérieur de cette échelle. Il y a Alexandre, par exemple, qui est justement, il a à la fois l'évodia, ou donc la bonne odeur des demi-dieux, pourrait-on dire, et de l'autre côté, il a la sophrosyné, il sait se tenir, justement, et il est tout proche, disons, des parties supérieures de cette échelle de valeurs qu'ont construit les Grecs à propos, justement, des comportements. Oui, il est tout proche. Presque. Bah, et c'est pour ça qu'il n'est voilà. Pas un dieu. Voilà. Cette notice, pour moi, c'est un clin d'œil à Jean-Pierre Vernant. puisque c'est lui qui pose le premier, donc hors des dieux, la première pierre sur les travaux du corps antique dans les années 80. Et cette échelle de perfection, elle est un cadre dans lequel on peut éventuellement se mouvoir, mais surtout un cadre dans lequel chacun doit être à sa place. Et finalement, il faut être Alexandre pour pouvoir transgresser ce cadre, mais on oublie souvent qu'il a des parents divins. Oui. Des parents supposés divins, ce qui lui permet d'être transgressif. Ça aide toujours la parenté divine à transgresser. Et puis, lorsqu'il se dévait, il est aussi celui qui est rempli des cicatrices, des blessures de guerre, Lydie Baudiou. C'est important aussi que dire ces corps, ils ont aussi des marques. Ça peut être d'ailleurs des marques de scarification, oui. Ces corps antiques, mais il y a aussi... les coups portés par l'adversaire, les coups portés par la vie que l'on exhibe parfois, ça fait partie aussi de la façon de se dire vis-à-vis des autres. Oui, et c'est à multiples reprises des entrées de ce dictionnaire sur le corps et ses marquages et toute forme de marquage. Hein, ça peut être la tache de naissance, ça peut être une anomalie cutanée, ça peut être une verrue, ça peut être une blessure. Oui, il y a une entrée effectivement voilà. sur toutes les maladies de peau. Ça peut être les scarifications, ça peut être les tatouages, ça peut être le maquillage. C'est-à-dire le corps est l'objet de transformations subies ou souhaitées. Et du coup, on va accorder des valeurs positives ou négatives hein, sur des cicatrices qui sont dans le dos. Bien entendu, ça n'a pas le même sens que celles qui peuvent être sur le corps du guerrier devant, qui s'est donc affronté frontalement. Et ça distingue aussi non seulement les valeurs morales qu'on peut donner, mais ça distingue aussi géographiquement. Je pense au tatouage, par exemple. Hein, c'est-à-dire, ça peut être aussi une marque d'esclavage ou de domination. Bref, tous ces marquages du corps sont signifiants pour ce que l'on peut ne pas cacher ou cacher, parce que l'avantage des cicatrices, c'est que vous pouvez parfois les cacher. Par contre, une verrue sur le nez, c'est bien plus difficile. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Exprès pour vous, Marie-Hélène de Lavouroux, l'air des ménades dans le Psyché de Jean-Baptiste Lully. Et nous continuons notre discussion dans cette série d'émissions consacrée au corps à l'occasion des rendez-vous de l'histoire du monde arabe qui se tiennent en fin de semaine à Paris, à l'Institut du monde arabe, et dont c'est le thème, justement, en nous interrogeant sur la particularité du corps dans l'Antiquité à l'occasion de la parution de Corps et Voix dans les danses du théâtre antique aux presses universitaires de Rennes, et dans 15 jours maintenant, début mai, d'un dictionnaire très important, dictionnaire du corps dans l'Antiquité que vous avez coordonné, Véronique Mel et Lydie Baudiou. L'éternuement, si je me mets à éternuer, pourquoi il y a une entrée éternuement en l'occurrence? Qui veut répondre, Véronique Mel, dans ce dictionnaire du corps? Alors c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes placée à notre droite, donc si vous éternuez à notre droite, nous allons avoir une belle journée. Ah, ça fait plaisir. Non, l'éternuement... C'est bah, comme la notice noire, c'est aussi une notice de Jérôme Wilgo. Et l'éternuement, c'est un signe du corps que l'on ne peut pas maîtriser. Et donc, c'est divinatoire. On peut faire plein de bruit avec notre corps, mais l'éternuement ne peut pas le provoquer. Et comme il ne peut pas être provoqué, bah, c'est forcément les dieux qui l'envoient. Et là, comme c'est sur la droite, tout va bien. Qu'est-ce que la palmomantique, je crois, ce que je ne connaissais pas, c'est dans cet article de Jérôme Wilgo qui repose, une technique divinatoire spécifique, repose sur les mouvements ou les tressaillements du corps. Oui, justement. C'est aussi une sémiologie du corps. C'est toutes les sciences du corps qui sont nées dans l'Antiquité, la médecine, la physiognomonie, la sémiologie du corps. Donc, c'est tous ces signes du corps. Donc, votre clignement de paupières, un sifflement d'oreille, tous les signes irrépressibles et du corps. Et si on éternue, on peut dire « Zeus, sauve-moi », c'est ça ? C'est ça. Et il y a effectivement des textes très nombreux, les physiognomonistes, qui lisent sur le corps les signes moraux distinctifs supposés. Des choses qui vont être reprises, évidemment, le nez camus, les yeux un peu écartés, eh bien, cet homme-là est malhonnête. La bouche un peu tombante ou les oreilles un peu décollées. C'est-à-dire qu'on va lire sur le corps des signes moraux d'honnêteté, de malhonnêteté. Enfin, on va imputer au corps, à la physiognomonie sert à ça, à donner des cartes comme ça, une espèce de cartographie corporelle et donner des schémas face à des personnes que, du coup, on va stigmatiser ou pas, et donner des lectures du corps, finalement, sur des signes distinctifs. Et par exemple, évidemment, ces signes du corps ne sont pas les mêmes, la façon dont on les regarde ne sont pas les mêmes, les dents ne sont pas un objet de séduction. C'est ce que j'ai lu dans un article « Dents » de votre dictionnaire du corps dans l'Antiquité. En l'occurrence, ça n'est pas un objet de séduction, c'est une idée de puissance, de belles dents. Ça veut dire qu'on est fort, qu'on a une énergie vitale importante, mais ça n'est pas pour séduire. Non, c'est pas pour séduire, c'est plutôt un renvoi à l'animalité, aux dents carnassières, aux dents du lion. Et puis, peut-être beaucoup plus prosaïquement, c'est lié à un état sanitaire des populations et que on devait peut-être croiser peu de belles bouches avec toutes ces dents. Et là, on tombe sur un autre, peut-être, des volets du dictionnaire, tout ce qui est médical. C'est des entrées qui permet peut-être de connaître un peu l'état sanitaire des populations et sans doute qu'il y avait plus d'édentés que de gens avec une belle dentition. Alors évidemment, il y a ce corps que l'on exhibe parfois, puis ce corps que l'on cache souvent par des vêtements. Donc il y a beaucoup d'entrées qui tournent autour justement de la façon dont on s'habille dans cette Grèce antique, dont on cache son corps. Ses cicatrices parfois, mais aussi sa tête. Il y a une entrée sur le voile, par exemple. Oui, il y a une entrée sur le voile, il y a une entrée sur la perruque, il y a une entrée sur les teintures. Sur la blondeur. Sur la blondeur aussi. C'est-à-dire que le corps et ses parures, et ce que l'on peut apposer sur le corps, soit pour cacher, soit pour mieux montrer. Et tout ça, on le disait tout à l'heure, c'est ces signes de distinction, à la fois de distinction économique, de statut, d'éducation, de genre, et Véronique le disait tout à l'heure aussi par rapport au maquillage, de moment. On cherche aussi à cacher une calvitie, on sait aussi qu'on pratique l'épilation, hommes et femmes pratiquent l'épilation. Donc on a un travail à la fois d'après sur le corps et de soins du corps, parce que ce qu'on pourrait nous appeler là les outils du corps, que sont les vêtements, les perruques, les bijoux, sont terriblement distinctifs, effectivement. Distinctifs de l'âge, ça c'est quelque chose qui nous a frappé aussi. Le soin que l'on met, par exemple, à masquer l'âge venu, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme. Alors c'est plus fort chez une femme, qui va se maquiller davantage, qui va se teindre les cheveux bien encore davantage, ou pour revenir au voile, effectivement, les femmes grecques sont voilées. Voilà, c'est un article que Pierre Brulet avait écrit un peu polémique dans la revue Clio il y a quelques années, mais il ne faut pas faire semblant de découvrir des choses qui sont des réalités contextuelles. Oui, quand un homme rentre dans une maison où se trouvent des femmes, les femmes se revoilent ou se cachent. Et on utilise le voile comme outil contre la chaleur, d'abord, on est dans des pays où il fait chaud, mais il y a aussi cette notion qu'on disait tout à l'heure de femme recluse. Il y a aussi le fait de masquer la séduction que représentent les cheveux. Donc le voile, c'est aussi tout ça du féminin claquemuré. Hein. Vous parliez de contrainte tout à l'heure. Le voile, c'est aussi un outil de contrainte avec lequel il joue, hein, puisque nombre de représentations iconographiques montrent aussi ces femmes. Alors, ce sont des représentations hein, qui se voilent avec une élégance rare. La plupart des figures rouges le montrent aussi. Donc c'est tout ça, les outils du corps. Et puis on peut dire effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Véronique Mel, que la recherche a profondément évolué depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, que la mise à l'ordre du jour de la question de la famille et de la sexualité récemment à l'agrégation a permis de faire le point justement sur ces différences entre sexualité antique et sexualité contemporaine, que les travaux de Sandra Boringer, qui est écrit d'ailleurs dans ce dictionnaire, comme ceux de Vielen, Sébillot, Cuchet, ont permis justement de faire des grandes avancées dans ce domaine-là. Mais il y a toujours cette question de la fragilité de ce que l'on est en train de faire et de ce caractère un peu fugace qui vous file entre les doigts. À un endroit de ce livre, on explique que la sémiologie du monde antique ne nous est parvenue que par fragments et par échos lointains. Et donc, d'une certaine façon, on est bien obligé de retisser les manques, les trous, que c'est tout un travail d'imagination qu'il faut faire aussi pour pouvoir relier entre eux et entre elles des événements et des faits qui sont tous différents. Oui, mais est-ce que ce travail-là sur le corps est vraiment différent des autres approches de l'historien ? Pas du tout. Le danger, peut-être, c'est que nous avons un propre corps et que du coup, on a plus tendance à projeter du contemporain sur l'antique en partant du fait que le biologique, le corps, n'a pas bougé et qu'on connaît. Et le danger, il est là de tisser... Une sorte d'analogie formelle. L'idée de l'invariant. L'idée de l'invariant. Il faut se méfier de ça. Et ça, c'est la même chose quand on tente de reconstituer ce qu'était le théâtre ou le chant dans l'Antiquité. En l'occurrence, Marie-Hélène de Lavoureux, on a encore une voix. Vous pouvez danser dans ce studio ou en dehors pour pouvoir nous montrer vos qualités de danseuse, puisque vous travaillez sur ces questions-là et ces reconstitutions-là. Mais évidemment, ce corps a été transformé par 2500 ans d'histoire qui sont passés à travers lui. Oui, bien entendu, mais en même temps, certains aspects de l'ouvrage que je publie peuvent apparaître très contemporains, puisque dans les ballets de nos jours, on peut voir parfois certains chorégraphes qui font parler leurs danseurs ou qui les font évoluer sur un support de voix enregistrées, de voix parlées ou éventuellement de voix chantées. Alors je voudrais donner quelques exemples. Celui par exemple de Pina Bausch, Ein Stück von Pina Bausch, c'est-à-dire une pièce de Pina Bausch, qui est une, effectivement, la parole en fait a pour rôle de rendre le sens de la danse beaucoup plus explicite. On pourrait citer ensuite Daniel Linehan, qui a travaillé avec Partz, c'est-à-dire l'école de Anna Maria, Anna Teresa de Kersmacher, qui fait aussi travailler ainsi les danseurs. Donc, par exemple, dans sa chorégraphie Zombie Aporia 2011, donc il veut montrer en fait que le corps peut faire tout ce qu'il veut, mais en même temps que ce corps peut perdre un contrôle. Donc, il montre dans cette chorégraphie que le danseur peut parler et danser en même temps, et que parfois il peut parler et danser en même temps, mais le corps peut échapper au danseur. Ou alors, on pourrait citer encore toujours Georges-Jacques Peix, James Thierry, Ofech Chester qui a travaillé avec la Batsheva Company. On ne va pas faire la liste de tous ceux qui travaillent sur ces questions-là. En l'occurrence, justement, le corps peut vous échapper. Il y a aussi quelque chose dans votre dictionnaire sur le trébuchement. Il ne faut pas trébucher dans la Grèce antique. Si on se prend les pieds dans son kition, ça n'est pas bon signe, en l'occurrence. On perd la face. On perd la face. Tout simplement, dans le sens premier de ce qui a débuté notre propos. Hein, on n'a plus le face-à-face. On est dans une société du regard. On parlait de la voix tout à l'heure, puisque ça a débuté notre propos. Mais on est dans une société du regard. Et je voudrais terminer sur le fait que c'est Bernard Andrieux qui fait la préface base de cet ouvrage et le sens que ça donne à l'idée de notre antiquité, le corps étant notre antiquité, est quelque chose qui est important en tous les cas dans l'idée que l'on a qu'il faut reprendre les sources. Merci, on ne peut que conseiller de lire « Les corps et voix dans, la danse, dans les danses du théâtre antique ». C'est sous votre direction Marie-Hélène de Lavauroux, aux presses universitaires de Rennes. Dans 15 jours paraîtra « Il faut se jeter dessus », le dictionnaire du corps dans l'Antiquité que vous avez co-dirigé, Lydie Baudiou et Véronique Mel, toujours aux presses universitaires de Rennes. Vous vouliez citer aussi très brièvement le livre de Philippe Jocquet, on l'a cité très brièvement, et puis rapidement Jean-Charles Moretti, Théâtre et Société dans la Grèce antique, paru au Livre de Poche. Et puis chez CNRS Éditions, un vieil ouvrage mais toujours utile qui s'intitule « Le masque du rite au théâtre » sous la direction d'Odette Aslan et de Denis Bablé. Merci et il faut donc désormais aller vers l'émission de demain, celle qui est le documentaire composé par Judith Chétrit et Anne Fleury autour des années 70 et en particulier avec une archive de 10 mai 1973 autour de cette méthode Karman qui va permettre donc avant la loi Veil de changer peut-être la vie des femmes qui voulaient avorter. C'est vrai que nous tous, jeunes médecins, nous avions une image très négative de l'avortement. Nous n'en voyions que les complications à l'hôpital. Mais le fait que l'avortement pouvait être un acte médical simple et sans danger, ça, on n'avait jamais appris. C'est pour ça qu'on avait tous une vision fausse du sujet. C'est insensé. 500 avortements pratiqués presque au grand jour. Le planning familial de l'Isère. Le mouvement Choisir impliqué dans l'affaire. Et déjà, des prises de position politiques, des manifestations de soutien. Le cas du docteur Ferré-Martin, qui vient d'être inculpé à Grenoble pour avoir favorisé l'avortement d'une jeune fille de 17 ans, révèle un nouveau défi des partisans de l'avortement libre. Dans le mouvement du docteur Ferré-Martin, il n'y a pas, malheureusement, que des médecins. Des étudiants faisaient partie de l'équipe qui pratiquait les avortements. Ces avortements étaient effectués selon une méthode encore inconnue en France. Une sorte de médecine parallèle se développait. Dans la méthode Karman, le médecin se veut un technicien au service de la femme. Des fois, d'ailleurs, ça peut être une autre femme. Enfin, une autre femme ou un autre homme. Mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas médecin. Vu la simplicité de la méthode, il n'y a pas de pathologie. Cette position met mal à l'aise un certain nombre de médecins. On avait sorti ce petit schéma qu'on avait trouvé dans un journal des infirmières de Pékin, 10 ans avant Karman, qui montre effectivement un système d'aspiration tout à fait comparable à ce qu'a utilisé Karman, sauf que le vide se faisait avec une allumette dans un bocal pour chauffer un bocal et faire une dépression. Et le bocal était branché sur une canule, mais a priori une canule métallique. On a discuté, on a lu des articles médicaux sur la technique de Karman, on s'est documenté, etc. Et progressivement est arrivée l'idée que oui, bien sûr, il fallait en faire. Un extrait du documentaire que vous pourrez entendre demain dans la Fabrique de l'Histoire, Militer, Avorter, Légaliser, 1972-1975, signé Judith Chétrit et Anne Fleury. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Pierre Faucillon nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Anne Fleury à la réalisation. À demain.